les gens aiment la foule, mais la foule n'aime pas les gens. Le gros ton aime la houle, mais la houle n'a pas le ton. Chaque instant tourne la boule et déboule les instants. La vie des gens se déroule et s'enroule gentiment. Alors nous, on se saoule et sous le vent, on s'étend. Alors nous, on se saoule et sous le vent, on s'étend. Les gens restent dans leur brouillard, les trouillards sont tous des gens. Alors nous,